La dernière conférence à Laval, on s'était plaint d'être un peu bas, mais là, ils ont corrigé ça pas mal. On parlera plus, parce que la prochaine fois, on ne sait pas s'ils vont nous mettre au deuxième étage. Est-ce que vous m'entendez bien en arrière, ça? Bon, le titre de la conférence, je l'ai écrit, il est long. Comment utiliser votre intuition? Un autre titre qu'on pourrait donner, c'est comment l'être humain intelligent réussit à ne plus se laisser induire en erreur par son intuition. Pour nous parler de ce sujet-là, on va accueillir dans quelques instants Daniel. Daniel Kemp, pour ceux qui ne sont pas des habitués des conférences de Daniel Kemp, vous pouvez trouver qu'il y a un langage assez particulier. Il y a peut-être des mots qui vont vous sembler nouveaux parce qu'ils le sont. Et puis, faites-vous-en pas, après 2 ou 3 conférences, vous allez finir par comprendre son langage. Donc, j'aimerais qu'on accueille Daniel Kemp. De la situation. Oui. Il manque juste un ascenseur. Un ascenseur? N'oublie pas de descendre à droite, descends pas à gauche. Oh, mon corps est capable de descendre à droite ou à gauche. Oui. Je sais pas pour le tien. Non, le mien est mis à droite. Bon, c'est, hein? Comment l'être humain intelligent réussit à ne plus se laisser induire en erreur par son intuition? Il y a 2 points là-dedans que j'aimerais qu'on... Mais d'abord, là, sur lesquels j'aimerais qu'on discute un peu plus. D'abord, qu'est-ce que c'est un être humain intelligent? Est-ce que tu en connais? Dangereuse, des questions comme ça. Ben, je pense en connaître des gens intelligents dans la définition normale qu'on a d'un être intelligent. Donc, dans la définition donnée par ceux qui ne le sont peut-être pas. Possiblement, mais qui pensent l'être. J'en suis un qui pense l'être. Je pense qu'un être intelligent, c'est un être qui est capable d'apprendre, un être qui est capable de retenir. Un chien peut apprendre. Un chien peut apprendre, mais pas autant de choses qu'un homme intelligent. Il ne vit pas aussi longtemps. Il ne va pas dans les mêmes écoles. Non, il n'y a pas de langage non plus pour exprimer ce qu'il connaît. Un dauphin peut apprendre. Est-ce qu'il exprime ce qu'il connaît comme un homme? Un épaulard communique en dedans d'une heure un peu plus d'informations qu'on en retrouve dans la Bible. Alors, j'ai jamais discuté avec un épaulard, je trouve. Non, parce que les cerveaux humains sont peut-être pas assez intelligents pour comprendre le langage de l'épaulard. As-tu déjà discuté avec un ordinateur? Oui, oui. La plupart du temps, il me convainc que je ne comprends pas. Il en faut des langages, hein, pour que tu puisses le comprendre? Oui. Continue. Un épaulard, c'est plus qu'un ordinateur? C'est similaire, avec une queue. OK. Ah, pour ça, l'homme humain, en tout cas... Un être intelligent, donc, c'est, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable d'apprendre. Alors, tu me dis qu'on n'est pas juste... Donc, l'épaulard, ça peut être un être intelligent aussi. Le cochon aussi. Continuons. OK. Ça peut être aussi quelqu'un qui est capable de surmonter des problèmes, de légiférer, d'avoir une logique, de regarder logiquement qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, puis essayer d'analyser une situation dans sa vie ou en mathématiques ou en chimie ou en physique. Bon, le chien est aussi capable d'essayer d'analyser une situation. Pas en chimie, en physique, en biologie ou en choses complexes. Il va réussir autant que l'homme, il pourrait essayer, il n'y a aucun problème. Bon, l'homme peut réussir aussi à analyser quelque chose puis en tirer une conclusion qui peut être bonne. L'homme est tellement efficace qu'aujourd'hui, ce sont les ordinateurs pour réussir à sa place. Mais ce que l'ordinateur fait, il faut d'abord que l'homme soit capable de le faire pour l'apprendre à l'ordinateur. L'ordinateur, il n'est pas brillant assez pour se programmer tout seul. Ce qui devient intéressant, c'est que, à la longue, l'ordinateur instruit autant celui qui s'en sert que celui qui s'en sert instruit l'ordinateur. Il y a un échange? S'il y a un échange, il y a une communication. La problématique, c'est qu'on n'a qu'à déconnecter l'ordinateur pour dire, voilà, il est déconnecté et il a tout oublié. L'être humain, on peut le déconnecter avec une balle de fusil. Il n'est vraiment pas supérieur à l'ordinateur. Quand on l'a déconnecté avec une balle de fusil, il est aussi plate que l'ordinateur. Oui, mais l'être humain, lui, il apprend tout seul. L'être humain apprend parce qu'on l'instruit. Ouais, tu prends un enfant, tu l'amènes dans la jungle, il va apprendre à survivre, comme un animal, mais il va apprendre quand même. Un ordinateur, si tu, même si tu le branches, puis tu mets le bouton à on, il se passera rien. Non. Maintenant, tu prends un enfant, tu lui ôtes les yeux, tu lui ôtes les mains, tu lui ôtes les oreilles, tu lui ôtes le nez, tu lui ôtes le goûter, tu le mets comme l'ordinateur, quoi. et tu le mets dans la jungle. Est-ce qu'il va apprendre grand-chose? Là, il n'y a pas grand-chose de survivre. Maintenant, mets des senseurs à un ordinateur et donne-lui la possibilité de mémoriser ce qu'il va capter. Puis on en reparlera. OK, ça ne nous dit pas si on est des êtres humains intelligents, de loin. Ça n'a pas l'air. Qu'est-ce que ça prend pour être intelligent, selon ton ta définition d'intelligent? Parce qu'elle n'a pas l'air d'être comme la mienne. Ben, j'ai déjà dit que la planète Terre était un immense appel psychiatrique. Et du point de vue de ce que l'humain appelle intelligent, il y a tout le monde qui est intelligent. Le fou qui est dans un asile peut décider quelles sont les limites de l'intelligence et se déclarer intelligent. Pinochet s'est déjà déclaré un super bon dirigeant de pays. Et on a un paquet de tyrans qui se sont dit très humains. Néron était formidablement humain. Néron, c'était un génie. Il chantait superbement bien. D'ailleurs, tout le monde, tous ceux qui lui demandaient, il leur disait. Il jouait de la harpe comme personne n'en a joué. Ça, c'était vrai. Mais lui disait qu'il jouait bien. Et finalement, il a mis le feu à Rome et il a chanté parce qu'il s'est dit, bien, on va reconstruire une nouvelle Rome à ma hauteur. C'est du génie. Est-ce que c'est de l'intelligence? Selon Néron, oui. Alors, selon ceux qui, à un moment donné, prévoient l'extermination des peuples, comme la race plus ou moins aryenne reliée au Troisième Reich d'Adolf Hitler, ils étaient des génies. La race allemande, la race aryenne, était la suprême race. Et ils ont manqué leur coup, ils se sont cassés la gueule. Ils ont exterminé énormément de peuples, et s'ils auraient pu, ils auraient exterminé tous les peuples de la planète sauf la leur. Encore là, fions-nous à l'humain, ils auraient fini par s'exterminer eux aussi. Et c'est ça l'intelligence. C'est intéressant. Alors, j'espère que je ne serai pas trop intelligent. Qu'est-ce que tu entends pour toi par un être humain intelligent? Un être humain intelligent, c'est un être humain qui ne réfléchit jamais. C'est un être humain qui n'a pas de mémoire. C'est un être humain qui n'a pas de désir. C'est un être humain qui n'a aucune émotion. C'est un être humain qui ne souffre pas de ça dans sa psychologie parce que finalement, sa psychologie est réduite à la stricte nécessité d'un corps vital pour maintenir son corps physique, donc au périsprit de l'âme. Un être intelligent, c'est un être qui sait tout ce qu'il a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'il le sache. Un être intelligent est un être qui n'a jamais besoin d'apprendre. Alors, si on dit l'être humain est intelligent parce qu'il peut apprendre. Non, il n'est pas intelligent. La preuve, il doit apprendre. Maintenant, c'est sûr que l'être humain, comme les singes, lorsqu'ils ont avancé la théorie que l'homme descendait du singe, c'était très intéressant, ça rehaussait l'image du singe en devenant le cousin ou l'ancêtre de l'homme. Lorsque l'animal humain ou lorsque l'être humain ou lorsque l'humain, dépendant des points de vue, déclare que l'intelligence, c'est-à-dire ce qui normalement devrait être le summum dans l'expression d'une conscience autre qu'animale, est l'intelligence et qu'il en place les paramètres, eh bien, on peut constater que les différentes nations ont leurs paramètres d'intelligence. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain intelligent? Bien, c'est celui qui prie Allah. Ça dépend du point de vue. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Sinon, celui qui n'a pas de point de vue limité, ou sinon celui qui a tous les points de vue en même temps dans sa conscience. Alors, lui, il est intelligent. Pas celui qui a besoin d'apprendre. Est-ce que c'est intelligent de devoir perdre sa jeunesse sur les bancs d'école? Comme je l'ai écrit dans le livre sur l'enfant Teflon, pour passer sa jeunesse à préparer sa vieillesse, et finalement vivre sa vieillesse à regretter sa jeunesse. L'intelligence, dans le règne de l'homme, on peut la chercher à bien des places. Le seul endroit où on la découvre, c'est dans l'ego de l'homme. Il fut intelligent à un moment donné de faire lever le soleil deux fois dans une journée sur Hiroshima. Il fut intelligent à un moment donné d'exploiter l'humain dans les mines. Ça réchauffait quelques autres. Il fut intelligent de se décorer le visage parce que certains refusent possiblement la vérité ou la réalité. Il était extrêmement intelligent de tuer si quelqu'un rentre dans ta maison pour te voler. Il est extrêmement intelligent de voler quand on n'a plus rien pour manger. Bon, finalement, l'intelligence, dans le règne de l'homme, historiquement, si elle a existé, elle s'est bien camouflée. Tu n'as pas encore répondu à ma question. Qu'est-ce que c'est pour toi, l'intelligence? Intelligence, oui, j'ai répondu. c'est la non-nécessité d'apprendre, c'est la non-nécessité de souffrir, c'est la non-nécessité d'évoluer. C'est l'antistress, c'est même pas l'antistress, c'est l'absence totale de stress, l'absence totale de l'émotion que l'humain appelle l'amour. Un être humain intelligent n'est pas attachable par l'amour. Un être humain intelligent n'est pas liable par l'amour. Un être humain intelligent ne peut pas souffrir d'aimer, il ne s'ennuie pas, il n'est jamais angoissé, il n'a pas peur, il ne se culpabilise jamais, il n'a jamais honte parce qu'il sait de toute façon qu'il n'est coupable de rien, il sait qu'il est manipulé. Un être humain intelligent, c'est un être qui ne se fie pas à son intuition. Un être humain intelligent, c'est un être qui est totalement efficace, non pas en fonction des désirs d'un ego, donc des désirs de sa psychologie, donc de sa mécanicité astrale. Un être humain intelligent, c'est un être qui est totalement efficace en fonction de l'événementiel, c'est-à-dire en fonction des événements, en fonction de traverser comme un bateau dans l'eau, qui fend l'eau et qui ne brise jamais l'eau. Autrement dit, une fois que le bateau est passé, on ne peut pas voir la trace du bateau. L'être humain qui n'est pas intelligent est un être humain mémoriel, celui qui veut laisser des traces après sa mort, il veut qu'on se rappelle de lui. C'est celui qui veut haïr quelqu'un puis se venger pour que l'autre ne l'oublie pas sitôt. C'est celui qui veut réussir pour plaire à une quantité très limitée de gens que lui appelle son entourage. Et sur 5 milliards d'humains, ceux qui vont être abasourdis par ta réussite, il ne faut même pas la peine de travailler. Un être humain qui n'est pas intelligent, c'est un être humain qui a peur. C'est un être humain qui abîme son corps physique dans l'idéal d'une réussite humaine, soit dans le mariage ou l'entretien du mariage, soit dans les affaires, soit dans la réussite spirituelle. Un être humain qui n'est pas intelligent, c'est un être humain qui veut se vouer à Dieu. Un être humain qui n'est pas intelligent, c'est un être humain qui continuellement fouille dans le passé pour essayer d'expliquer l'avenir ou le présent. Un être humain qui n'est pas intelligent, c'est un être humain qui est hautement traditionnaliste. Et qui se fie à son intuition. Ah ben là, il est en deçà, là. Qu'est-ce que c'est l'intuition? Pourquoi un être humain, tu as dit tantôt, un être humain intelligent ne se fie pas à son intuition? Un être humain intelligent se fie à lui. Mais l'intuition, on a tendance à penser que ça fait partie de nous. Ouais, on a tendance à penser, comme on a tendance à penser que notre automobile fait partie de nous. Quand on a une crevaison, eh bien, on sort et puis on chiale. Puis quand quelqu'un s'assoit sur ton pare-choc ou sur ton capot d'automobile, c'est comme s'il s'était assis sur ta face. Bon. Alors, évidemment, l'intuition, ça fait partie de nous comme ton veston. Ton veston, si je le coupe ici, je vais couper dans ton ego. Alors, pourtant, le veston, c'est très, très, très, très à part de l'homme. L'intuition, c'est une manipulation supérieure à la pensée. La pensée, c'est à peu près ce qu'il y a de plus trompeur et de plus vil dans la condition évolutive d'un humain, la pensée. L'intuition, c'est une forme de manipulation plus subtile que la pensée, supérieure à la pensée parce que l'intuition ne permet à peu près jamais à l'humain, qui est intuitif, de décoder, de discerner la qualité de l'intuition, de discerner si l'intuition, elle est convenable ou non. L'intuition, c'est, pour la majorité des humains, c'est une voix qui part dans leur tête, mais c'est aussi le décodage, on pourra le voir plus tard dans la soirée, c'est un décodage par l'ego de perceptions qui sont vitaliques, de perceptions qui sont reliées non pas au sens physique habituel, mais au sens vital, au sens qui sont inhérents au corps vital, donc au périsprit de l'âme, au corps vital qui maintient la structure atomique moléculaire du corps physique de l'âme. Et ces intuitions, ces perceptions vitaliques sont assez neuves pour l'ego, à un point tel qu'au lieu de prendre conscience qu'il entend par un sens, il a l'impression que ce qu'il a accès à une banque de savoir ou de connaissances absolument formidable, qui ne provenant pas de lui, parce que l'humain, qui se dit intelligent, a une vision tellement médiocre de lui, que si ça ne provient pas de lui, mais chez lui, il a tendance à y faire beaucoup plus confiance que si ça provient de lui, chez lui. Mais il y a une bonne différence entre la sensation qu'on peut avoir au moment d'une pensée et au moment d'une intuition. Une pensée, on entend des mots, on entend de la basse. Une pensée, pas parler on parle dans sa tête. Bon. Une intuition, on parle pas. Non. On s'enligne sur une porte, puis l'intuition nous dit de prendre la porte de gauche. On n'a pas pensé, il n'y a pas eu de mots, il n'y a pas eu de son ou de phrases dans notre tête qui nous ont dit « je vais prendre la porte de gauche ». Tu apprends la porte de gauche. C'est plus spontané, oui, l'intuition. C'est plus subtil. Mais est-ce que c'est du même ordre? trompeur. Oh oui, absolument, absolument. Ça fait partie du mensonge cosmique, ça fait partie de l'illusion qui manipule la conscience de l'homme, ça fait partie de ce qui empêche l'humain de comprendre, ça fait partie de ce qui empêche l'humain de savoir. L'intuition est une farce monumentale. L'intuition, elle peut prendre différents caractères. On a des intuitions qui sont médiumniques, qui nous permettent d'avoir des contacts avec le monde de la mort. On a des intuitions qui sont comme chez les cartomanciens, elles ont des intuitions. On a des intuitions, la mère, qui a l'intuition que son bébé qu'elle porte est un garçon ou plutôt qu'une fille. On a une intuition qui nous fait dire que c'est cette porte ou ce chemin que je dois prendre. On a des intuitions qui nous font dire que je ne devrais pas manger ceci, mais manger cela. On a des intuitions qui nous disent que tel aliment est plus nourrissant. On a des intuitions qui nous disent que grand-papa ou grand-maman vient de mourir. On a des intuitions qui nous disent qu'on devrait ne pas y aller ou qu'on devrait y aller, qu'on devrait se lancer là-dedans ou ne pas se lancer là-dedans. Il y a des intuitions qui nous disent quel Dieu croire aussi, et même qui tuer et qui sauver. Mais il y a des intuitions qui sont bonnes, dans l'exemple de la mère qui peut penser qu'elle a l'intuition que porte un garçon au lieu d'une fille. Ça sert à quoi de... Il y a 50% des chances qu'elle ait raison. Oui, ça sert à quoi? Il y a d'autres intuitions qui sont bonnes. Ben alors, donne-moi-en des exemples. Ben, une intuition, par exemple, d'affaires, une intuition de ou de mariage ou de rencontre avec une personne. Tu penses qu'avec cette personne... Ça semblait que c'est des intuitions qui étaient bonnes que tu me parlais. Ben, il y en a qui finissent par être bonnes, malheureusement. Mais il y en a qui sont bonnes, les intuitions. Bon. Elles ne sont pas toujours mauvaises. Premièrement, on doit partir avec certaines... Qui aboutissent à un bon résultat, je devrais dire. Non. Ben oui. Non. Ben oui. Si mon intuition me dit de prendre la porte de gauche, elle n'est pas barrée, puis je prends celle-là, puis effectivement, elle n'est pas barrée. Le résultat est bon. Oui. Le résultat est très bon. Tu prends celle-là, tu sors dehors, puis tu te fais frapper par un char. Le résultat est très bon. Si elle m'avait dit de prendre la porte de droite, là, elle était mauvaise. Je serais pété la gueule sur la porte. Oui. Mais si la porte de gauche est ouverte, elle est bonne. Non. Pourquoi pas? C'est comme celui qui dit « J'ai gagné la loterie, puis mon intuition pour mettre les chiffres était bon. » Quelle aurait été sa vie s'il n'aurait pas gagné? 100 000 fois mieux que s'il a gagné. Ça, il ne le sait pas, évidemment, il ne peut pas le vivre. Mais sur le moment, parce qu'il a une conscience nombritique, 100 millions de dollars qu'il a dans le visage, ah, l'intuition était bonne en maudit. Bien, ça aide à arrondir les fins de mois, une intuition comme ça. Oui. Puis quand tu as tout perdu, ben tu as plus perdu que jamais. Parce que l'humain, est-ce que l'humain est sur la planète Terre pour surmonter ses fins de mois avec son intuition? Non, mais si tu peux te détacher de la matière parce que tu as eu le bon billet de la 649, tu peux peut-être évoluer différemment. Est-ce qu'une personne qui n'a aucune intuition peut gagner la loterie? Probablement. La même chose. Combien de personnes mettent leur numéro à partir de leur intuition et perdent? Un paquet, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui gagnent. Alors, tu me dis que l'intuition peut avoir de bons résultats. Disons ben, pour que celui qui avait le bon numéro, oui. Non. Ben, c'est pas un malheur de gagner un million, ça dépend. Oui, mais est-ce que c'est son intuition qui lui a fait, qui l'a fait gagner? Oui, mais ça peut être l'intuition qui lui a dit d'entrer dans ce magasin-là pour acheter son billet. On parle de loterie, on va parler de n'importe quoi, mais... Encore une fois, tu... C'est un feeling, une vibration à l'intérieur ou... C'est ça qui est la problématique de l'intuition, c'est que l'être humain s'y fie comme tu t'y fies ou comme tu sembles vouloir t'y fier présentement. C'est qu'à un moment donné, on veut vous taper le visage à coups de gants, hein? Et puis, on vous invite quelque part dans un restaurant. Et quand vous venez pour y aller, bien, vous tombez, vous glissez sur une fleur de banane, vous ramassez à terre. Alors, vous dites, mon intuition est mauvaise. Et puis, à un moment donné, bien, on vous invite dans un autre restaurant. Et puis, quand vous venez pour rentrer, bien, on vous ferme la porte au nez. Ah, l'intuition est mauvaise. Et puis, 25, 30, 40, 50 fois comme ça. Et puis, à un moment donné, ton intuition te dit, bon, bien, là, ce coup-là, va à ce restaurant-là. Puis, tu y vas, puis tu rencontres ta rue de moitié. Et puis, le célibataire, c'est celui qui a un penchant pour les femmes et qui n'en perd pas l'équilibre. Alors, toi, tu en perds l'équilibre. Et puis, maintenant, tu n'es plus solidataire, tu es marié. Et puis, ton intuition t'a amené là. Et puis, à un moment donné, ton intuition, ben, te fait rencontrer une autre fille. Sacrée intuition. Et puis, à un moment donné, tu n'en rencontres jamais d'autres filles. Tu es absolument correct, mais ta femme, elle a son intuition féminine, elle est convaincue que tu la trompes. Parce qu'à un moment donné, l'intuition va te donner le petit bonbon que tu attends depuis que tu es intuitif. Une fois parmi combien de fois? Eh bien, tu es à genoux, à plat ventre, sous terre, pour devant ton intuition, parce que c'est génial. Alors, quand l'intuition ou quand ce qui contrôle l'intuition veut totalement charrier un humain, bien, il fait gagner la loterie. Ou encore, il lui fait gagner une automobile, ou il lui donne un emploi qu'il désirait, puis là, il a eu l'intuition de mettre ses bas rouges aujourd'hui, puis il est sûr, le patron avait des bas rouges lui avec, et puis ça a marché tout de suite, puis là, il l'a engagé. L'intuition est une vraie farce. L'intuition, c'est ce qui permet à un humain qui ne voit absolument pas où il va, d'y aller. Alors, l'humain qui est totalement aveugle, qui reçoit 150 intuitions, dont 149,5 totalement fausses, dont les résultats sont de plus ou moins négatifs à absolument catastrophiques, eh bien, à un moment donné, on lui donne son gâteau. C'est comme combien de fois l'humain, dans l'Antiquité et encore aujourd'hui dans l'Antiquité actuelle, prenons l'exemple d'une quantité d'humains qui passent leur vie à prier leur Dieu. Et ils n'ont jamais rien. Un Dieu, ça répond pas. Ça demande, ça exige, ça donne des lois, ça tête, ça vole, ça prend, mais ça ne répond pas. Et puis la personne, elle prie pour qu'elle ait 12 enfants, pour que son fils qui est là, qui s'est fait renverser par un bœuf, survive. Et il meurt. Ah, ben Dieu, bon, il a réduit ses souffrances. Ah oui, c'est ça. Puis, il aurait pu pas y donner de souffrance, en tout cas. Bon. Et puis après ça, là, c'est sa petite fille qui vient d'attraper la syphilis grimpante. Et puis, il n'y a pas de médicaments, on n'a pas encore les médicaments pour guérir ce genre de choses. Et puis, elle va mourir, et puis la maman, le papa, il prie, monte les marches, tout ce que tu voudras, à genoux. Et puis, finalement, la fille, elle meurt. On remercie Dieu que les autres filles ne l'aient pas attrapée. On remercie Dieu que, finalement, l'humanité était sauvée d'une épidémie. Sa fille est morte. Bon. Et puis, à un moment donné, quand il te reste avec un enfant, tu pries encore parce que là, il y a un chien qui l'a mordu, qui lui a donné la rage. Et puis, tu pries, puis là, Dieu vient parler à Louis Pasteur. Et puis, il lui suggère des petites bébelles. Et puis, finalement, ben, on va inoculer ça sur ton fils. Et puis, ça va le sauver. Que Dieu est grand. Ton intuition qui t'a fait amener à telle place, qui t'a fait prier. C'est ça. Tu n'avais 12, il t'en reste un. Vivement, l'intuition. C'est comme ça que ça farce, que ça fonctionne, l'intuition. Mais comment on peut l'utiliser, l'intuition? Est-ce qu'on peut l'utiliser? Je devrais le poser comme question. L'intuition, c'est très, très, très, très, très difficile à utiliser. On peut même considérer que de la part d'un être qui n'est pas totalement intelligent, l'intuition ne peut pas être utilisée. Est-ce qu'on peut l'utiliser à l'envers, vu que Non, l'intuition utilise l'homme. L'homme n'utilise pas l'intuition. L'homme se fait utiliser par l'intuition. L'être humain ne manipule pas son intuition. C'est comme celui qui a des idées. Ses idées, il les a ou il ne les a pas. Il ne les crée pas, ses idées. L'intuition, c'est la même chose. C'est une subtilité au-delà de la pensée, qui fait partie aussi des forces manipulatrices de l'humain, qui manipule l'homme, la femme et l'enfant, et qui le confine, pas ad vitam aeternam, parce que l'humain va s'en sortir, mais qui le confine pendant un grand laps de temps à une médiocrité évolutive, sinon stagnante, sinon évolutive, qui fait en sorte que l'humain doit continuellement se référer, premièrement, à autrui, deuxièmement, à sa pensée, alors qu'il ne la contrôle pas. Si l'idée ne vient pas, l'idée ne vient pas. Si l'idée vient, l'idée vient. Totalement assujetti, tu es un esclave total, et finalement, à une perception expérientielle, une perception d'un nombre de formes de retour, une perception plus ou moins vitale, qui te fait lire à travers les murs que personnage que tu devrais peut-être rencontrer, ou que inconsciemment tu as le désir de rencontrer de l'autre côté. C'est pas tes yeux. Mon toucher ne peut pas toucher les personnes dans la salle. Mon système auditif, possiblement peut commencer à les entendre. Mon système visuel me permet de leur toucher à distance et on pense que ça s'arrête là. Mais on a aussi un corps vital qui traverse les murs et qui va lire aussi. Et cela fait partie d'une grande partie de l'intuition, c'est-à-dire, autant on peut se faire tromper par nos yeux, tu vas prendre la plus belle des portes, la plus belle des femmes, le plus beau des hommes, la plus belle des automobiles, la plus belle des routes, la plus belle des pancartes, ce que tu voudras. Autant on peut se faire avoir par nos sens, les sens vitaliques qui engendrent une partie de l'intuition, ne peuvent pas être décodés convenablement par l'être humain qui n'est qu'intellectuant, donc qui ne se fie qu'à sa mémoire comme l'ordinateur, même s'il a la capacité de souffrir de ses mémoires, ce que n'a pas l'ordinateur. Et ce n'est pas génial d'être capable d'être émotif. Bon, et l'être humain qui n'est pas capable donc d'être suffisamment intelligent pour pouvoir rejeter totalement son intuition, ou pour la contrôler de A à Z, mais là ce n'est plus de l'intuition. Eh bien, l'être humain ne peut pas se servir, ne peut pas employer l'intuition, et il ne peut que se faire employer par son intuition. Mais à l'inverse, il ne peut pas, parce que normalement, si on définit mathématiquement que l'intuition joue des mauvais tours, si l'intuition de la gauche, il ne pourrait pas aller à droite. Oui, on en a parlé dans une conférence à un moment donné. L'être humain peut déjouer ce genre de phénomène où son ego ou l'astral le manipule à se casser la gueule parce que l'être humain est totalement manipulé pour continuellement être asservi par les mécanicités d'évolution, c'est-à-dire par ce qu'on appelle l'astral dans le langage québécois, par les mémoires planétaires que l'humain a créées depuis qu'il est ici, depuis, disons, quelques millions d'années. La Terre existe depuis quelques milliards d'années, mais pas l'humain, avec un âme, un ego et une capacité psychologique d'exprimer de l'émotion. L'être humain est totalement assujetti à cette mécanicité qui a besoin, pour ne pas se perdre dans l'oubli, d'être continuellement nourri par l'expression émotive de l'humain. Donc, ces phénomènes qu'on appelle les égrégores, des dieux, des religions, des archétypes, vont se nourrir de l'homme. Dans leur travail pour se nourrir de l'homme, ils doivent continuellement instruire l'homme, la femme et l'enfant, qu'ils sont des serviteurs. Et comme j'ai déjà dit dans un séminaire, l'être humain n'est pas un serviteur, l'être humain est un enfant qui vient de naître, qui a comme père un roi et une reine, et la nounou qui vient s'en occuper pendant les premières années, eh bien elle le torche, elle le nourrit, elle le lave, elle le protège, elle l'éduque, et finalement l'enfant devra devenir un roi et contrôler la nounou, sauf que la nounou, ben, lorsque l'enfant grandit, elle lui répète continuellement, « C'est moi qui te dis quoi faire, c'est moi qui te dirige, tu dois m'écouter. » Et lentement, elle pense qu'elle pourra être suffisamment maître du roi ou de la reine infantile pour que lorsqu'ils seront des adultes, elle puisse continuer à les manipuler. Alors continuellement, n'oublie pas que cette fois-là, tu ne serais pas sorti, je n'aurais pas été là. Elle était là, c'est ce que les dieux disent. Mais la quantité d'intervention de la nounou chez l'enfant, donc chez ce roi, chez l'humain finalement, du point de vue cosmique, la quantité d'intervention colore tellement la conscience évolutive de l'enfant qu'elle en fait une conscience stagnante, une conscience médiocre, une conscience dépendante, une conscience involutive. Alors, la parole directe de la nounou, c'est la pensée dans la tête de l'homme, parce que l'homme pense qu'il pense, là, il ne contrôle absolument pas son phénomène de pensée. Et lorsque la nounou lui envoie une lettre signée du roi, c'est l'intuition. Alors, l'enfant va se fier plus à la lettre signée du roi que simplement aux paroles de la nounou, mais c'est la même forme de manipulation. Le roi se fie à la nounou. Le roi, il est en train de jouer au golf. Ou il vient de tomber en bas de son cheval. Là. C'est le temps que le roi le remplace, mais il a encore 8-9 ans. Et la nounou, bien, elle s'occupe du jeune pour que jamais le jeune ne se détache d'elle. L'être humain qui vient sur le plan planétaire est de la matière. Il est de l'énergie vitale, donc une force animatrice de la matière, ce qui engendre la vie et la croissance. Dans le but que la mémoire qui a été stockée dans la matière, dans la structure atomique, on parle d'ADN, mais c'est un phénomène plus atomique que cela, et de façon à ce que cette mémoire-là puisse gérer les molécules, la matière autour, dans son alimentation, dans le but de la restructurer pour que le corps atteigne une certaine maturité. Et une fois que cela est fait, à travers l'évolution, disons, du corps physique, il y aura l'accumulation d'expériences. Il y aura la possibilité de sécrétion endocrinienne qui vont être les voies médiatrices, les voies par lesquelles vont s'exprimer les forces psychologiques, les forces astrales, les forces divines, les forces manipulatrices de l'homme. Et quand l'être humain atteint l'adolescence, eh bien, il y a une réincarnation 24 heures sur 24 de la naissance à la mort. Et lorsque l'enfant arrive à l'adolescence, les mémoires qui se réincarnent dans un enfant, ce sont des mémoires d'enfant. C'est-à-dire que dans du monde de la mort, ce qui se réincarne en termes de mémoire ou d'entité, les gens apprennent le langage qu'ils veulent, ne sont attirés par le corps physique. Ce n'est jamais une entité qui choisit le corps physique. C'est le corps qui attire quelque chose. Si tu ne peux pas rentrer dans un automobile qui est trop petite pour toi, tu n'iras pas. Bon, c'est pas compliqué. Tu rentres dans où est-ce que tu vas. Alors, tant que l'enfant est jeune et qu'il a un corps d'enfant et qu'il sécrète d'un système, disons, hormonal ajusté à une expression de la psychologie d'un enfant, ce sont des mémoires d'enfant. À l'adolescence, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que l'enfant commence à être adulte. Commençant à être adulte, l'enfant devient pubère. Et il commence à avoir une sécrétion endocrinienne d'adulte. Il peut se reproduire, il commence à transpirer, il commence à avoir un paquet de réactions endocriniennes typiques de l'adulte. Et là, ce qui se réincarne commence à être des mémoires d'adulte. Tout l'enfant, les 12 années d'expérience mémorielle encastrées dans la structure amique de l'enfant, se voit maintenant confronté à un pillage par des mémoires d'adulte. Alors là, pendant cette période de transition, psychologiquement, l'enfant est totalement désarçonné. C'est un enfant biologiquement en train de devenir un adulte biologique. C'est un enfant qui veut rester un enfant dans un corps qui est en train de devenir un corps d'adulte. Il se fait totalement manipuler et taper dessus par des mémoires d'adulte. Il regarde une fille, c'est un gars, il y a des choses qui se passent que lui n'a jamais connues. Et ça attire des mémoires incarnationnelles qui viennent le manipuler. Donc, dans sa pensée, ça va commencer à changer. Mais l'enfant n'a jamais contrôlé sa pensée. Et à travers cette évolution vers la phase de possession totale de l'enfant par l'adulte, il y aura cette crise de l'adolescence qui fait que l'enfant est totalement, carrément débalancé. Lorsque l'enfant est tué et que les mémoires réincarnationnelles du monde de la mort d'adulte le possèdent, qu'est-ce qui reste de l'enfant? Peut-être qu'on ne le reconnaîtra plus. Peut-être qu'il y aura des bribes d'enfants qui vont colorer l'adulte qui est là, dépendant de la puissance éducationnelle ou la puissance de conscience de l'enfant avant cette possession. Et de temps en temps, l'adulte, l'enfant, on le perd complètement, ce qui maintenant n'a rien à voir avec ce qu'on lui a donné ou avec ce qu'on pensait qu'il était pour être. Et ça crée ce que tu appelles les adultes intelligents, qui sont en réalité intellectuels, totalement manipulés. Maintenant, une fois qu'ils sont adultes, ils vont se faire asservir totalement par leur génétique, c'est-à-dire que du monde de la mort, ce qui se réincarne chez eux, ce qui pense dans leur tête, ce qui intuitionne des choses chez eux, va être totalement assujetti à une obligation qu'elles ont, ces forces manipulatrices, d'être nourries émotivement. Ils doivent exprimer des émotions qui ont déjà été connues par le monde de la mort dans d'autres phénomènes historiques, dans d'autres vies, disons. Et là, notre humain est totalement manipulé. Il se tape la gueule quand c'est en haut, on a besoin de sécréter parce qu'on veut qu'il chiale un peu. Il gagne à la loterie parce qu'on veut qu'il sécrète de la joie. Après ça, il divorce parce qu'on veut qu'il sécrète un peu moins, qu'il sécrète une autre forme d'hormone. Et puis, il y a une quantité très relative d'énergie qui va être exprimée par l'humain tout au long de sa croissance. L'intuition à l'intérieur de cela, c'est lorsque l'être humain devient... Lorsque l'être humain est immentalisé. Lorsque l'être humain n'a pas tellement de contrôle mental sur lui, l'être humain qui vit dans la jungle, les autochtones de certaines régions qui ne sont pas encore très développées, très connues, eux sont intuitifs, mais leur intuition s'appelle l'instinct. Leur intuition, ils ont tellement peu de bagages expérientiels dans leur âme, donc dans leur psychologie. Ils ne connaissent pas la télévision, ils ne connaissent pas gagner la loterie, ils ne connaissent pas perdre de l'argent à la bourse, ils ne connaissent pas ce genre de choses, que lorsque leur corps vital décode des choses dans la montagne, ils ont l'intuition ou l'instinct. Donc l'intuition est colorée par les mémoires. Oui. Alors, moins tu as de mémoire, moins tu as d'expérience, autrement dit, plus tu es jeune amiquement ou jeune physiquement, parce que si le corps physique est jeune, l'âme ne peut pas être vieille. Tu peux avoir un corps physique vieux qu'un âme assez jeune, ça se fait, l'âme est plus pure. Si tu n'as pas de mémoire pour colorer ton intuition, cet instinct, c'est-à-dire que ce savoir supramental, ce savoir instantané, à travers le décodage d'un événement, d'un groupe d'événements mineurs autour de toi, va t'obliger, mais tu n'es pas intelligent, va t'obliger à réagir comme la souris. Si tu mets le morceau de fromage ici, puis elle a faim, bien, elle n'ira pas fouiller dans le cendrier, elle va aller là. Et là, la souris pourrait dire, hey, moi, je suis intelligent. Moi, quand je veux du fromage, puis j'ai faim, je vais le manger. Bon, c'est une forme d'intelligence que la souris pourrait se donner, mais elle est totalement manipulée, c'est mécanique. La preuve, tu peux mettre un morceau de carton avec une odeur de fromage, puis on va y aller pareil. C'est ce qui arrive dans l'évolution de l'homme. Notre humain, qui est de la phase de l'instinct, donc d'une intuition extrêmement proche de la nature, une intuition qui n'est pas conscientisée, qui n'est pas consciente chez lui-même, il évolue, il accumule de l'expérience, et à un moment donné, nous autres, nous naissons dans des sociétés qui, avec les médias, nous donnent une conscience planétaire. Et avec tout le luxe, avec tout ce que l'on peut posséder, que l'on connaît, avec tout ce que l'on peut perdre, que l'on a ou que l'on a connu, ça fait en sorte qu'on aura autant, disons, on aura en prolata, autant de désirs qu'on aura d'émotions, de mémoire de rajouter. Si tu as comme vie expérientielle des palmiers, quelques baobabs, des bananes, un cochon sauvage, des singes, les piranhas, puis ta tribu d'indigènes, les désirs, tu n'as pas beaucoup de désirs. Tu désires tous les matins la même chose. Puis les soirs, tu désires tous les soirs la même chose. Quand tu te ramasses dans une société où on te permet le luxe, où on te permet la distraction, où on te permet une panoplie de phénomènes, eh bien là, la quantité de désirs possibles grandit. Et au fur et à mesure que la quantité de désirs grandit, la conscience libre de l'homme baisse. Et c'est là que la pensée commence à être à gérer, c'est-à-dire que le désir, les mémoires qui ont expérimenté des bonbons, eh bien, à un moment donné, ces mémoires-là sont en train de mourir, ils veulent que tu les nourrisses. La seule façon de nourrir la mémoire de la gustation du bonbon, c'est que le corps lui amène ce phénomène. Donc, que tu manges, finalement, biologiquement, du bonbon. Alors, ça va amener à ta pensée l'idée de manger du bonbon. Et l'humain dit, tiens, je pense que je vais prendre un bonbon. Ben, l'humain, il ne pense pas pantoute. Quand on est un peu plus conscientisé, il vient à un moment donné où notre intuition est totalement colorée par nos désirs. J'ai l'intuition de ne pas en prendre, mais j'ai le désir d'en prendre. L'intuition, on finit par la perdre totalement. On perd notre intuition en vieillissant. Elle est colorée par les mémoires. Elle est suffisamment colorée que finalement, quand tu vois bleu avec le jaune qui est en avant, ben, tu dis c'est vert, j'en veux pas, tu s'en vas ailleurs. Maintenant, lorsque l'être humain arrive à une autre phase de son évolution ascendante, malgré que toute la structure du monde de la mort, la structure théologique de toutes les formes de théologie et de philosophie font tout pour que l'humain ne monte pas, pour que l'humain reste bas, très bas, que l'humain attende un salut. Il va l'avoir, le salut. Salut. On va le laisser là. L'humain doit s'arranger, même si on le tape dessus, l'humain finit par accumulé à travers l'histoire, à travers la communication de ce qui est cellularisé chez lui, donc de son évolution transmise par la génétique, à travers des millions d'années, l'humain finit par engendrer des corps physiques suffisamment solides, qu'à un moment donné, une nouvelle forme d'intuition commence à venir de tripoter les neurones. Cette nouvelle forme d'intuition, c'est ce que j'appelle le savoir instantané, c'est ce que j'appelle aussi l'intelligence. Alors, tu sais ce que tu as besoin de savoir quand c'est nécessaire que tu le saches. Ça crée des grands conflits dans l'ego, parce que l'ego, qui est mémoriel, se dit « j'aimerais le savoir avant, pour me rassurer. » Tu ne le sauras pas avant, parce que ton intelligence instantanée, ce savoir, cette intuition neuve, elle est en affinité avec ce qui se passe, et non pas avec les futurs possibles. Ce n'est pas de la préscience que tu développes, c'est de ce savoir. Et ce savoir intuitif, il rentre dans la conscience de l'homme, et rentrant dans la conscience de l'homme, de la femme et de l'enfant, il induit dans l'expérience de l'âme l'expérience de ce contact. Donc, tout ce qui sert à empêcher l'homme de se conscientiser, c'est maintenant comment que l'intelligence se pointe chez l'homme. Alors, immédiatement, elle cesse de le harceler comme elle le faisait et elle va commencer à copier le messager de l'intelligence supramentale. Elle capte les lettres du roi et elle imite sa signature. Exact. Alors, finalement, avant, il te disait, tu vas aller en enfer. Alors, tu disais, crime, je m'en fais de bonbons. Puis, à un moment donné, quand l'enfer, tu l'as très loin, quand l'enfer est à 4 milliards d'années en arrière, en mémoire de la création très, très, très enflammée de notre planète, alors qu'elle se refroidissait, ça ne marche plus. Et à un moment donné, bien, ce sera d'autres formes d'intuition qui vont entrer dans chez toi. Et ces formes d'intuition auront un caractère d'intelligence. Et parce que l'être humain, bien souvent, n'est pas suffisamment intelligent, donc pas encore suffisamment, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? La première facette de l'intelligence, la première preuve de l'intelligence, c'est la capacité de dire non et de le supporter. Un enfant qui dit non à ses parents est intelligent. S'il dit jamais oui, il est stupide. Mais quand il commence à jaser, le non, c'est le début de l'intelligence. Dire non à tes parents, c'est une chose. Dire non à ton patron qui t'en demande trop, c'est une chose. Dire non à une société de débiles, c'est une chose. Dire non à des dieux, on continue à monter les paliers de l'intelligence. Dire non au cosmos, c'est la même chose. Et les humains petits vont dire, ouais, t'as beau dire non, mais ça change quoi? Ça change tout. Dans le cosmos, non. Mais chez moi, oui. Alors, tu es pauvre et tu dis non. Non à qui? Non, tu veux pas. Tu veux pas être pauvre? Ça ne change pas nécessairement grand-chose. Non, pas au niveau de l'argent. Mais peut-être qu'à un moment donné, tu n'auras plus besoin d'être riche. Ça ne te dérange plus. Tu ne seras plus pauvre. Parce que tu as refusé des manipulations, tu as refusé certaines choses. Ah, ben oui, ben les voies de Dieu sont impénétrables. Bien dur de pénétrer une voie qui n'existe pas. Et puis, l'être humain est pauvre. L'être humain n'a pas beaucoup d'argent. Et il doit refuser son état. L'être humain qui commence par dire non monte en intelligence. Deuxième preuve d'intelligence, la capacité de se supporter soi-même. Celui qui s'ennuie chez lui tout seul puis qui fait venir quelqu'un parce que tout seul il s'ennuie, bien, c'est une personne qui est plate en maudit, elle se voit dans le miroir, elle s'ennuie d'elle-même. Alors elle s'imagine qu'un autre va être capable de la supporter alors qu'elle n'est pas capable de se supporter. Bon. Elle se sent pas bien, se sentir vraiment. C'est ça. À plaisir. Alors si tu dis non, tu es intelligent. Si tu as maintenant la capacité de démolir le médiocrisme chez toi. Démolir le médiocrisme chez l'humain, ça paraît facile à dire. Mais c'est facile à dire aussi. mais pas mal plus compliqué à appliquer. Pourquoi? Parce que l'être humain est totalement conditionné à la médiocrité. Le millionnaire est un être médiocre. N'importe quel individu qui, humainement, a une forme d'évolution particulière et qui est convaincu, lui, qu'il n'est pas médiocre, il n'est pas médiocre par rapport à qui? Par rapport à ceux qui sont plus médiocres que lui, selon sa vision. Mais il y a toujours quelque chose, à un moment donné, un humain, un événement de la vie, quelque chose qui vient la placer là. L'être humain qui est intelligent commence par refuser. Refuser l'imbécilité. Après ça, il commence par avoir confiance en lui. Pas avoir confiance qu'il va réussir. Ça, c'est avoir confiance dans la réussite. C'est un piège. Avoir confiance en lui. L'être humain qui est intelligent a confiance en lui. Mais un instant, la confiance qu'il a en lui est une confiance supportée par le doute éternel. Mais la confiance qu'il a en lui, est-ce que c'est la confiance en l'intuition? Non, jamais de la vie. L'être humain, il est totalement vide. Et s'il y a des mots qui manquent dans la langue française, j'en invente suffisamment. À un moment donné, on pourra en parler, on va en inventer. Il faudrait expliquer. Mais l'être humain qui a suffisamment d'intelligence chez lui est un être humain qui est capable d'être vide. Tout à l'heure, on a parlé que l'intelligent n'était pas angoissé, n'était pas stressé, n'avait pas peur, n'aimait pas d'énamo psychologique. Il y avait tout un paquet de symptômes qu'on a placés autour de l'être humain intelligent. L'être humain intelligent qui a confiance en lui, il a confiance dans une chose, il a confiance dans sa capacité de douter, et il a confiance tellement dans ce qu'il ne connaît pas de lui, qu'il sait fortement, instantanément, c'est un savoir, ce n'est pas expérientiel ou expérimenté, il le sait, que lui, s'il serait libre, ferait bien. Alors, ça le désassujettit de toutes les formes de manipulation, de culpabilité, de honte ou de conneries qui pourraient sous-tendre la vie apparemment évolutive de l'animal humain. Ça, il faut que ce soit une conviction et non pas une pensée. Pas une conviction. Il faut que ce soit une cellularisation, un savoir instantané. Je ne suis pas convaincu que si je serais libre, je ne ferais pas de gaffe. Non, je sais. Je sais que si j'accroche le micro, c'est que je suis manipulé. Parce que si je me demande, est-ce que c'est intelligent d'accrocher le micro? Non. Est-ce que j'ai fait exprès? Non. Mais finalement, si tout ça au complet m'échappe, ce n'est pas moi. Si je suis intelligent, je vais accrocher le micro et puis je vais m'en foutre. Et puis si les gens qui écoutent soit la conférence sur cassette ou directement, par exemple, se frustreraient, eh bien, c'est ce que celui qui m'a manipulé voulait. Il voulait que les gens s'écrètent. Eh bien, ça nourrit. C'est intéressant. L'être humain qui est intelligent a une confiance totale dans son intelligence. Est-ce que son intelligence se rapproche de l'intuition de l'homme intelligent? Son intelligence, elle laisse passer l'intuition supramentale, elle laisse passer les copies conformes de l'intuition astrale, donc du monde de la mort, elle laisse passer la pensée, elle laisse passer tout ça au complet, et puis elle ne fait confiance à rien de ça. À quoi fait-elle confiance? À lui. Tu devrais comprendre. Oui. Pourquoi? Parce que l'être humain qui, à un moment donné, ne fait plus confiance à son Dieu. Il se dit... Parce que à lui... Sur quoi je béquille? L'être humain qui ne fait plus confiance à son intuition. Chaque fois que l'intuition lui dit, prends rouge. Lui, il dit, merde, c'est ce que je voulais prendre. Maintenant que mon intuition me dit de le prendre. L'intuition qui ne fait pas confiance à son... L'humain qui ne fait pas confiance à son intuition. L'humain qui ne fait pas confiance à sa pensée. L'humain qui ne fait pas confiance à son expérience. L'humain qui ne fait pas confiance aux autres. Il est extrêmement dépressif ou très intelligent. Mais comment il fait pour se communiquer l'information à lui-même? Parce qu'il faut qu'il se fie à lui, donc il faut qu'il se parle, il faut qu'il agisse. Non, mais c'est quoi l'humain? C'est quoi l'humain? Bonne question, c'est quoi l'humain? Parce que souvent, les questions reviennent toujours au même phénomène. Une conscience qui élimine l'homme. Dans les questions que tu me poses présentement, ces questions-là éliminent totalement l'homme. Ce ne sont pas des questions pour répondre à l'humain. Ce sont des questions pour répondre au monde de la mort, pas pour répondre à la vie. Ce ne sont pas des questions pour répondre à l'homme, ce sont des questions pour solutionner les problèmes du monde de la mort. Comment je vais faire pour continuer à têter l'humain ici? C'est comme ça. Celui qui se fie sur rien, comment va-t-il faire pour gagner sa vie? Comment on la gagne, sa vie? Certains disent qu'il faut aller à l'église pour ça. D'autres disent qu'il faut avoir de l'argent pour ça. D'autres disent qu'il faut être heureux pour ça. D'autres disent qu'il faut avoir les seins puis les lèvres, non les fesses ou les muscles de la normalité. D'autres disent qu'il faut avoir la notoriété. D'autres disent qu'il faut avoir le végétariat pour gagner sa vie. Puis quand on gagne sa vie, quand tu gagnes un million, il tient à toi le million? Non, pas pour longtemps. Mais ta vie non plus. Ça a gagné sa vie. Quand on attaque les grandes questions seulement à partir de l'illusion d'une vie qui s'écourte de la naissance à la mort, d'un corps physique conscientisé qui peut s'échelonner sur 60, 80, 20, quelques années. Alors qu'en réalité, le minimum que l'être humain devrait envisager dans son évolution de conscience, c'est 500 ans, le minimum. L'être humain ne peut pas se poser des questions grandioses et vouloir les répondre en fonction des 60 années dans lesquelles il pense évoluer. Ça n'a aucun sens. L'être humain est autre chose qu'un corps de chair qui se lève un matin pour aller se coucher un autre matin. Il est quoi l'être humain, c'est plus que ça? Non, même si l'être humain ne le sait pas, une chose certaine, c'est qu'il peut apprendre à savoir ce qu'il n'est pas. L'être humain est une mécanique qui provient de l'addition de différentes expressions de l'énergie biologique, vitale, astrale, donc psychologique, mentale, supramentale et de deux autres ordres qui l'amènent finalement à un plan d'intentionnalité. Et où on parle d'intentionnalité, on parle d'un désassujettissement total aux formes de manipulation. L'être humain n'est ni créateur, ni acteur. Il est acteur, il est réacteur. L'être humain n'a pas de pensée, l'être humain ne peut pas amener du neuf, l'être humain ne peut pas transformer quelque chose sans être manipulé, l'être humain est totalement comme le micro. Moi, je parle dedans, puis les fils conduisent, puis ça parle là-bas. Lui peut penser qu'il est génie, la boîte peut penser qu'elle est génie, ou qu'elle est carrément un imbécile. Mais ils peuvent s'amuser tant qu'ils veulent, aucun problème. Puis quand tu montes le son là-bas, ben lui pense qu'il se renforce, qu'il se muscle. Puis la journée avec l'astral ou que le phénomène biologique décide que t'es malade. Puis quand on décide que tu meurs, tu meurs. T'auras beau vouloir penser ce que tu auras voulu être, c'est ce que tu auras légué, mais pas légué juste dans l'éducation. Une grande partie de l'évolution se lègue par l'éducation. Habituellement, ça se lègue surtout par la génétique. L'être humain est tout à fait autre chose que si on ne peut pas se fier sur notre intuition, sur notre pensée, sur notre religion, sur notre tradition, sur nos émotions, comment pouvons-nous vivre? Mais c'est pas ça la question. C'est quoi la question? On va changer les rôles. Pose des questions. Pose des questions, puis je vais te reposer la question, puis tu me donnes la réponse. L'être humain ne se fait plus induire en erreur par son intuition strictement parce que, premièrement, il est capable de résister à toute forme d'ingérence dans sa conscience, qu'elle provienne d'un rêve, qu'elle provienne d'une cartomancienne, qu'elle provienne de la pensée, qu'elle provienne de l'intuition, ou qu'elle provienne de l'émotion. Une peur de quelque chose te fait agir dans un sens. L'être humain, topu. L'être humain intelligent, il résiste à ça. C'est non. Deuxièmement, l'être humain intelligent, pour ne plus se laisser induire en erreur par son intuition, chaque fois qu'un message pénètre à l'intérieur, l'être humain regarde. Il regarde, il décode, il observe si l'acte qu'il va poser est esthétique. L'esthétisme, c'est une forme d'expression de l'énergie très supérieure à la pensée, très supérieure à l'intuition. Cela fait partie d'une résonance ondoformique, une résonance de forme, d'onde de forme, avec celui qui doit assumer son expression. C'est pas juste, ça me plaît. Mais ce que je vais poser comme geste doit être esthétique. Mais l'être humain intelligent ne se laisse plus induire en erreur par son intuition. L'intuition ne peut pas rendre esthétique un phénomène. L'humain doit s'asseoir, il doit observer les conséquences d'un acte, quel que soit l'acte. Ici, c'est esthétique. Qu'est-ce que c'est esthétique? Ce n'est pas « je veux vendre ma maison, puis la petite vieille qui reste là, ben, elle s'en ira ailleurs si le propriétaire veut rénover. » Là, tu peux te poser la question, est-ce que c'est esthétique? Y a-t-il un moyen esthétique, nous, en tant qu'animal humain, ou en tant qu'être humain, ou en tant qu'humain, ou en tant qu'être, de régler le phénomène? On peut dire, ben, c'est esthétique. Moi, je m'en vais, je fais de l'argent, puis c'est très esthétique. C'est très esthétique, sauf que si tu t'éloignes un tout petit peu de ton point de vue, puis tu regardes l'ensemble, tu vas découvrir une ville moche. Pas esthétique. Sauf pas l'humanité! Tu t'arranges simplement pour dire au propriétaire, je te vends la maison sous condition que elle reste en haut, je te dis qu'elle reste en haut. Bon, peut-être que tu trouveras pas de propriétaire à acheter tout de suite. Bon, ben, tu vas dire, moi, je suis d'accord à condition que ben, tu vends un petit peu plus cher, tu payes ton déménagement. Il y a des moyens esthétiques de régler le problème. Mais là, il faut que tu réfléchisses à partir de ton intuition. Non. Puis quand tu réfléchis, tu te fais charrier pareil. Non, tu réfléchis pas, tu observes. Mais observer puis réfléchir, c'est quoi la différence? Ah, oh, ben, j'ai le mot à vite. Laquelle? Tu vois ça, là? Oui. Tu réfléchis ou tu peux observer? Je l'ai observé. Voilà, tu connais la différence maintenant. Dans ta conscience, tu t'assois et tu attends et tu observes des paysages. Les paysages que tu vas observer, c'est comme si tu développais un peu ta préscience. Les paysages que tu observes, ce sont des futurs possibles. Parce que l'être humain est pas, l'être humain est manipulé, il y a une destinée, mais il y a tellement de futurs possibles en avant, puis même si ce qui manipule l'homme ne sait pas où il va se ramasser, parce que l'intelligence est instantanée, ce n'est pas prévisible quel futur possible l'humanité va vivre. Tu dois envisager un esthétisme d'action. Et quand tu as envisagé cet esthétisme, lorsque tu as observé différents futurs possibles, tu en atterris un et tu l'essayes. Et si ça ne se fait pas facilement, tu changes de cap immédiatement. L'intelligence, c'est ça, l'intelligence. C'est que ça doit être facile. Mais parce que tu l'as déjà prévu, ce futur-là, est-ce qu'il arrivera? Est-ce qu'il n'y a pas 100% des chances? Si tu ne l'as pas sécrété émotivement, il n'y a pas de problème. On va revenir là-dessus une prochaine conférence. Si tu ne l'as pas sécrété émotivement, tu ne l'auras pas détruit. Parce qu'il y a des façons d'arriver justement à travailler des futurs possibles pour éliminer des futurs possibles qu'on ne veut pas vivre. Lorsque l'être humain a envisagé des futurs possibles du point de vue de l'observateur et non pas du point de vue de l'acteur, les nuances majeures, eh bien, il choisit le plan esthétique. Et puis après ça, tu t'essayes. Tu détermines, bon, ben moi, je vais faire un essai. C'est important ce que je dis, c'est drôlement utile si on décide et si on se laisse l'appliquer. Si la nounou veut bien qu'on l'applique. C'est qu'on détermine les limites du travail que l'on devra faire. Et quand on l'a déterminé, quel que soit le travail, tu dis comment l'humain peut vivre sans son intuition, sans sa pensée, sans ceci, sans cela. Eh bien, moi, j'observe. Moi, je suis un paresseux. Alors, je me dis, je me lance en affaires. Alors, je vais voir une banque, puis je demande 50 000. Si ça ne veut pas, je vais en voir une autre, je demande 50 000. Après trois banques, il n'y en a pas une qui a voulu, je ne me lance pas en affaires. Tu t'imposes une limite avant de commencer. Hein? Puis l'humain intelligent, il a suivi la limite. Parce que, oui, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Tout ce que vous faites dans votre vie, c'est ce que vous n'avez jamais su que c'était pour faire. Et finalement, ce n'est même pas la peine de se casser la tête pour savoir ce qu'on va faire. De toute façon, ce qu'on pense qu'on va faire, on le fera peut-être jamais. Alors, tu essaies quelque chose, tu te mets, c'est ce que j'appelle la tentative, tu te places potentiellement disponible, mais ça doit être relativement facile. C'est évident que tu ne fais pas un capter au gérant, puis tu lui demandes, le gérant, ouais, je veux 50 000 piastres, tu ne connais pas, là, mais je peux-tu pas le chercher? C'est pas ça. Là, c'est une farce. Là, on te manipule. Si tu l'as comme ça, demande-lui en plus que ça. Je comprends. Puis demande-lui en plus de t'endosser. T'as qu'à y être. Tu prêtes ça de même, là. Par la suite, quand tu te trompes, tu n'as jamais été induit en erreur. Hein? Ben, tu t'es trompé pareil. Tu ne t'es pas trompé quand tu te trompes. Quand les voisins découvrent que selon leur vision très astralisée, très colorée, très émotive, très psychologique, tu t'es trompé. Si tu es intelligent, toi tu sais que tu ne t'es pas trompé. Jamais. Mais si ça n'a pas donné le résultat anticipé, c'est donc que tu t'es trompé? Non. Ton intuition n'était pas bonne? Tu t'es fié à quelque chose? Tu l'as fait? Je me suis fié sur rien. Bien, tu t'es fié à l'observation de l'esthétique? À moi. OK. C'est toi-même. Quand je dis tu t'es trompé, c'est bien pire que tu as trompé ta femme. C'est tu t'es trompé toi-même. Mm-hmm. Tu t'es niaisé. Oui, parce que t'es niaisable. Ben, t'es assez niaiseux pour te niaiser. Non, t'es pas niaiseux. Ça, c'est la culpabilité, c'est l'astral qui te fait dire ça. L'humain est pas niaiseux. Êtes-vous niaiseux? Non. Bon, mais niaisable, oh oui. Mais pas niaiseux. L'humain est pas niaiseux. L'humain est niaisable, pas pareil. Oui, mais c'est lui-même qui se niaise. Je me niaise pas. Moi, j'observe quelque chose, et puis ma structure biologique, ma conscience, le peu d'intelligence qui m'habite, me permet de voir ça. Alors, je m'en vais là. Puis si je me frappe le nez sur un mur, eh bien, je me suis frappé le nez sur un mur. Et puis, ça change quoi à ma vie? Ça change quoi aux 500 prochaines années? Ça change quoi au passé? Ça change quoi au bonhomme qui vit sur l'autre bout du monde? Ça change quoi? Ça change rien. Tout ce que je vais faire, moi, c'est que je vais reculer puis je vais revisionner. Puis à un moment donné, il m'a fini par passer. Mais là, quand tu revisionnes avec la mémoire si de ce que tu viens de vivre. Tu es intelligent, tu ne revisionnes pas avec la mémoire. Ça peut être assez difficile. Il faut que tu te détaches émotivement, complètement de l'échec. Si tu es intelligent, ce n'est pas difficile. C'est si tu n'es pas suffisamment intelligent que c'est extrêmement difficile. Et c'est ce que j'explique. Celui qui est intelligent ne fait pas confiance à ses mémoires, ne fait pas confiance à son émotion, ne fait pas confiance à son intuition, ne fait pas confiance à sa pensée. Moi, je ne me dis pas, bon, mais il faut que je trouve une manière de. Je m'assois, puis je regarde, j'observe, et puis finalement, je me rends compte, par exemple, qu'il y a quelques personnes qui souffrent de pathologies. Bien, l'intelligence dans l'homme ne devrait jamais habiter un corps qui souffre de pathologie. C'est logique. Ah, je suis d'accord, dans la réalité, l'intelligence qui l'habite est dans un corps où il y a des pathologies. C'est la réalité, soit. Mais est-ce que cette réalité-là doit être intelligente parce qu'elle est réelle? Non. Alors moi, je dis non. Par la suite, on peut poser la question, maintenant, tu fais quoi avec ça? Tout ce que je fais avec la premièrement, juste le fait de dire non, ça m'énergise, ça me guérit. Bon. Et puis, par la suite, tu observes. Et il doit y avoir des solutions applicables. Mais si les solutions applicables nécessitent que l'humain malade doit devenir intelligent pour l'appliquer, tant pis, il n'y a plus rien à faire là-dedans. Comment tu fais pour pouvoir définir, goûter l'intuition, pour pouvoir définir qu'elle n'est pas teintée ou qu'elle est teintée de mémoire? La meilleure chose, c'est que, est-ce que je dois partir à 5h25, à 5h28, à 5h30 pour aller travailler? Ou à 6h? Ben, tu te lèves, tu t'étires, tu t'habilles, puis tu t'en vas. Ça, c'est ta vie. Il y a des personnes qui sont capables de s'étirer jusqu'à 9h moins quart. Ben, pas de misère avec ça, mon avis. De pas s'en aller travailler. Bon. Et là, on va dire, oui, mais voyez-vous, si quelqu'un fait ça, il perd son emploi. Bon, alors, il y en a qui ne s'étirent même pas, qui se lèvent à toute vitesse, qui se douchent peut-être ou peut-être pas, mais qui se douchent, qui ne s'essuient pas. Et puis, ils s'en vont travailler. Et puis, passent 50 ans de leur vie comme ça. Mais, si tu te retires un peu de la planète Terre, tu deviens un extraterrestre, puis tu regardes. Lequel est le mieux? Du point de vue de la nécrovision que tu as là, du point de vue de la vision assez mortuaire que tu as de la planète Terre, lequel est le mieux? Il y a de l'intelligence à augmenter le potentiel de la libération matérielle de l'homme. Donc, on peut dire la richesse de l'humain. Il y a de l'intelligence là-dedans. Mais est-ce qu'il y a de l'intelligence d'augmenter la richesse de l'homme au prix de sa vie? Tu passes toute ta vie à travailler pour être riche, pour être enfin libre, puis tu perds ta vie pour le faire. Donc, le mieux, c'est d'être pauvre au maximum? Non. Même pas. Bien, quand t'es pauvre, tu peux te lever à 11 heures. C'est si bien être social, ton chèque va rentrer pareil. Oui, peut-être. Des fois, il ne rentre pas. Bien, si tu l'as cherché, tu veux s'en faire. Oui. Mais il y a une chose qui est certaine. C'est que si je te dis que le mieux, c'est d'être pauvre, et je te dis que le mieux, c'est pas d'être pauvre, le mieux, c'est d'être simplement ce que tu es. Celui qui n'est pas fait pour être pauvre ne pourra pas être pauvre. Mais la façon dont tu vis ta vie, la façon dont tu te fies à ta pensée, la façon dont tu te fies à ton intuition pour décider, la façon dont tu te fies à tes perceptions pour comprendre, ça ne t'amène nulle part. Moi, j'ai un problème. Un problème qui est constitué de 8 éléments majeurs. Je dois avoir les 8 éléments pour pouvoir comprendre le problème. C'est évident que celui qui comprend le problème, de savoir quelle action acheter à la bourse, puis qui gagne, puis l'autre qui finalement perd, il n'y a aucun des deux qui s'est trompé. Il y en a un qui perd, il y en a un qui gagne. De toute façon, si les deux gagnent, les deux gagnent la moitié. C'est pas le choix. Il y a pas plus d'argent qu'il y en a sur la planète Terre. S'il y en a un qui gagne 1 million, bien, si l'autre gagne 1 million avec, il y en a quelques-uns qui vont perdre de l'argent, parce qu'il faudra qu'elle soit transférée, cet argent-là. Alors, j'ai un problème avec 8 éléments, puis mon problème, c'est pas un problème de savoir si je mets ça à la bourse, ou si je m'engage là, ou si j'achète cette auto-là plutôt qu'un autre. Mon problème est de savoir fondamentalement qu'est-ce que je suis venu faire sur le plan planétaire. Mon problème est de savoir si je travaille comme un défoncé, exclusivement pour nourrir l'histoire. Bien, être dans un gros livre épais, qu'on va lire de temps en temps, puis chaque fois qu'on va lire un morceau sur toi, on va t'oublier tout de suite après. Bon. Moi, je dois décider quelque chose, je dois comprendre, je dois régler un problème. Est-ce que l'humain est un être ascendant ou de la viande qui se prend pour quelque chose d'autre? Alors, je regarde un philosophe et je pense que l'humain est un être intelligent. Je regarde un tyran, il fait des tyrans, ça veut pas. Bon, je regarde un tyran et je me rends compte que l'humain, finalement, c'est de la viande qui tue de la viande. Quand je vois une bataille de deux lions, un jeune mâle avec un mâle plus adulte, les deux se battent. À l'instant où il y en a un qui est à terre, on ne tue pas. Mais il va s'en aller, puis là, on va voir les femelles arriver, et on va dire, c'est génial, les femelles vont être ensemencées par le meilleur des lions, et ça renforce la race. Quand je vois les troupes allemandes déferler en France, et tuer carrément pour tuer, bien là, je me demande s'il n'y a pas un morceau qui est coincé quelque part. Prends encore un morceau de mon élément, je le mets là, ici. Là, j'ai mon morceau du lion. C'est la sélection naturelle. Après ça, à travers les peuples, où t'envoies une bombe nucléaire qui va tuer le savant comme le cave. J'ai bien pointé là, ici. Tu cherches. Je continue, moi, là. Je ramasse un morceau, et puis là, je me dis, j'ai 75 ans. J'ai de l'expérience. Puis maintenant, je peux répondre. Ma pensée est coordonnée par les éléments, les informations que j'ai. Et à partir de ce que j'ai là, mon intuition va être colorée. Ce que je ne sais pas, c'est qu'il y en a trois autres que je n'ai pas dans mon assiette. Et moi, je me place en philosophe, en sage, en ce que tu voudras. Et là, je commence à établir ce que l'humain devrait faire pour régler ses problèmes. Je dis, on doit industrialiser nos sociétés. Maintenant, on rajoute pollution. Je dis, elle m'en dit des choses. Parce que si je n'ai pas vécu sous tous les azimuts de notre planète Terre à travers suffisamment de millions d'années, ou si je n'ai pas accès à un savoir instantané, qui est l'expression immédiate de toute la phénoménologie événementielle sur notre planète Terre, j'ai autant de terre. Est-ce que le savoir instantané te donne accès aux 8 bonbons en même temps? Le savoir instantané, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il t'amène un seul bonbon qui inclut tout cela, puis qui inclut bien plus que ça. Mais l'humain y a accès par petites bribes. Pourquoi? Parce que chaque fois que l'humain dit quelque chose qui fait du sens, il se dit... Ouais, mais tu sais qui me prend de dire ça? Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas savant, je ne suis pas intelligent. Et c'est la problématique. L'humain doit dire non et supporter. L'humain doit faire confiance à lui. J'ai fait une connerie. Si vous l'auriez su, l'auriez-vous fait? Non, vous n'avez pas fait de connerie. Mais on est manipulé. L'humain doit être capable d'observer. L'humain doit cesser de se fier à ses émotions. L'humain doit cesser de se fier à sa pensée. Je ne dis pas que la pensée n'amène pas de l'information. Elle amène de l'information. Mais est-ce que cette information-là, parce qu'elle apparaît dans notre caboche, on doit la prendre comme étant... Je suis un génie. L'intuition, on ne sait même pas d'où ça vient quand ça nous arrive dans la tête. Donc on peut être bien plus dangereux de s'y fier. L'intelligence supramentale va finir par te dire « Lève-toi et marche ». Mais l'astral, la mémoire, peut aussi te dire « Reste assis et dors, avec le même véhicule, le même crayon. » Alors l'humain, il dit, comment discerner? Puis moi, ce que je te dis, c'est fous-toi-en. À partir du moment où tu t'en fous carrément, rondement. Si ça peut arriver, tu peux carrément aussi, triangulairement, disons, est-ce que tu vas pouvoir avoir une meilleure vie, dans le sens une vie plus harmonique? À l'instant où l'humain se fout, se balance totalement de savoir si sa pensée a raison, si son intuition a raison, si son expérience a raison, si ses mémoires ont raison, il va se ravancer dans un vide. Et ce vide, c'est un vide temporel parce qu'on vient d'étrangler le canal réincarnationnel qui se